Je filtre sur la surface. Social. Du phénomène vivant de l'artiste. Et j'ai fait traduction performative Nicolas Gomez-Dávila. Tout ce qui advient assume délicatement la forme d'un besoin. Tout ce qui advient assume délicieusement la forme d'un besoin. Tout ce qui advient assume délicieusement la forme d'un besoin. Les venins du désir et le nourriment de la passion. À réformer les autres. Ça, c'est l'ambition de tous ceux qui se moquent et que tout le monde abrite. La trivialité est le prix de la communication. Seuls les prophètes honnêtes sont lâchés. Certaines vertus sont les astuces d'un vice. Seuls les prophètes honnêtes sont lâchés. Certaines vertus sont les astuces d'un vice. Plus que fausses, les théories en histoire sont trop ambitieuses. J'appelle mien quelconque qui soit le maître, ce qui me paraît évident. Comment peut vivre qui n'attend pas de miracle? Le public acclame l'œuvre d'art, toujours pour vous, qu'elle soit évidemment bonne ou évidemment mauvaise. Il y a moins d'admirateurs des œuvres que d'imitateurs de ceux qui les admire.